Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à demain. Comme parfois le hasard fait bien les choses. Figurez-vous que pas plus tard que ce matin, quelques titres de presse se sont engouffrés dans l'un de leurs marronniers spatiaux favoris. Un astéroïde géant va frôler la Terre et risque de détruire l'humanité. Il s'avère que cet objet, certes de belle taille, passera fin avril à plus de 16 fois la distance Terre-Lune. On appréciera la notion de frôler, il ne reste pas moins que la collision avec un géocroiseur, quoique très improbable, est un risque que les agences spatiales considèrent sérieusement, à tel point qu'une double mission NASA-ESA va tenter dans les prochains mois de dévier un petit astéroïde de sa course pour s'y préparer. Astéroïde itinéraire BIS, c'est le programme dévié qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évaluer à leur juste valeur les risques de collision d'un géocroiseur avec notre planète et comprendre eh bien, comment les agences spatiales se préparent à l'éventualité d'une rencontre un peu trop frontale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antonella Barucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue astrophysicienne au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Et nous sommes en ligne avec Patrick Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et responsable scientifique de la mission européenne ERA, dont il sera question largement au cours de cette émission, et tout ça à l'Observatoire Côte d'Azur à Nice. Mais avant cela, sa route croise tous les jours frontalement celle de l'actualité scientifique, sans pour autant créer d'explosion. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une étude parue dans Nature Astronomy et la découverte d'une étrange naine blanche. Une naine blanche, c'est ce que deviennent certaines étoiles en fin de vie lorsqu'elles ont épuisé tout leur combustible. Une équipe britannique a découvert un spécimen très particulier à 150 années-lumière de nous. Elle a la forme d'un bonhomme de neige et elle est beaucoup plus massive que les naines blanches habituelles. Sa masse est proche de celle du Soleil, mais pour une taille plus petite que la Terre. De plus, l'étude de son spectre montre une composition chimique jamais observée jusqu'à présent. Généralement, ces étoiles ont des atmosphères d'hydrogène ou d'hélium presque pures. Celle-ci est exceptionnellement riche en carbone, avec de très faibles niveaux d'hydrogène et d'hélium. Cette bizarrerie stellaire, c'est peut-être la découverte d'une nouvelle population d'étoiles, aux implications importantes pour notre compréhension de la structure de l'univers. Pierre Kervella est astronome à l'Observatoire de Paris. Cette naine blanche résulte non pas de l'évolution d'une seule étoile, comme c'est le cas pour la plupart des naines blanches qu'on connaît, mais qu'elle résulte en fait de la fusion de deux naines blanches qui sont donc entrées en collision dans le passé et qui ont formé cette étoile naine blanche donc particulière. Il y a un indice supplémentaire de la crédibilité de ce scénario, c'est le fait que l'étoile en question est très massive. C'est une naine blanche dont la masse est estimée à 1,14 fois la masse du Soleil. Et la limite théorique à la masse d'une naine blanche, c'est ce qu'on appelle la masse de Chandrasekhar, elle est à 1,4 fois la masse du Soleil. Donc on voit qu'avec cet objet-là, on est assez proche de la limite théorique de masse pour une naine blanche. Pour qu'il y ait une supernova à partir d'une naine blanche, il faut qu'elle puisse dépasser la masse de Chandrasekhar. Mais dans le cas de l'étoile dont on parle, c'est une étoile qui n'a certainement jamais atteint cette masse d'explosion. Ça, on pourrait voir ça comme une supernova un peu manquée par manque de masse. Ça a aussi une importance peut-être dans notre compréhension des supernovae qui sont basées sur l'explosion de naines blanches. Donc ce scénario donc de fusion de deux naines blanches, c'est un scénario tout à fait intéressant et crédible qui pourrait conduire à proposer un mécanisme physique pour l'explosion des supernovae dans des galaxies très lointaines. Et si on va même encore un petit peu plus loin, la compréhension de ce type d'explosion, des supernovae basées sur des naines blanches, nous permettrait peut-être d'améliorer les mesures de distance qu'on fait grâce à ces supernovées. Voilà, et vous pouvez retrouver le lien vers cette publication de Nature Astronomie sur notre fil Twitter @laméthodefc et sur la page de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. On passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Geoscience, la Terre aurait pu être à ses débuts une planète océan. Oui, un monde aquatique entièrement recouvert d'eau, ou presque, avec de petits micro-continents. Une équipe américaine a concentré ses recherches sur le site géologique de Panorama District en Australie, où est préservée une dalle de fond océanique vieille de 3,2 milliards d'années. À l'intérieur de l'ancienne croûte, on y trouve des indices chimiques sur l'eau de mer qui recouvrait la Terre à l'époque. Dans ces échantillons de roches, les chercheurs ont découvert que les ratios d'isotopes d'oxygène pouvaient être liés à un manque de continents et de masse terrestre globale. Les résultats doivent encore être confirmés par de futurs travaux, mais s'ils le sont, ils permettront de mieux comprendre où et comment la vie a émergé sur notre planète, à savoir dans les océans ou dans des étangs d'eau douce. En France, il est désormais possible de convertir sa voiture en véhicule électrique. Et dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités adoptée fin 2019, deux nouvelles réglementations vont avoir lieu en mars. Transformer sa voiture à moteur thermique en véhicule électrique, c'est possible depuis plusieurs années dans de nombreux pays européens. Cela consiste à retirer le moteur thermique, le réservoir et le pot d'échappement d'une voiture traditionnelle et de les remplacer par un moteur électrique, des batteries et une prise pour la charge. Néanmoins, vu les coûts, ce marché du rétrofit reste confidentiel. Le secteur espère convertir environ 1% du parc automobile français. Et enfin, dans PNAS, une découverte, les wallabies bicolores femelles possèdent deux utérus et peuvent être enceintes toute leur vie d'adulte sans interruption. Et ces cousines du kangourou possèdent trois vagins et deux utérus séparés qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre avec leurs propres ovaires. C'est la découverte d'une équipe germano-australienne. Tous les autres mammifères de la Terre font une pause entre les grossesses. Tous, sauf ces petits marsupiaux. Les observations et les échographies ont révélé que lorsque la femelle est déjà enceinte, quelques jours avant la naissance, elle s'accouple à nouveau. Le nouvel embryon est alors conçu dans le second utérus séparé, tout en portant un fœtus à terme dans le premier. Alors pourquoi cette stratégie de reproduction unique ? Ceci est encore un mystère. Et en plus, sans congé de parentalité, vraiment. Quelle femme, quelle force ces wallabies femelles. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Un astéroïde géant va donc nous frôler fin avril et risque, en cas de collision, de rayer toute vie de la surface de la Terre. Ce type de formulation excessive vous est certainement familier puisque c'est peu ou prou la façon dont les médias présentent à chaque fois ce genre de nouvelles, alors même que les calculs de trajectoire présentés par les agences spatiales indiquent toujours que les distances auxquelles passent ces objets sont de plusieurs millions de kilomètres et la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, très au-delà de notre orbite lunaire. À quand remonte cette présentation ou ce goût pour ces présentations catastrophites ? Eh bien manifestement après 1961, puisque à l'époque, comme vous allez l'entendre, le ton était plutôt détendu sur les possibilités d'un impact avec un géocroiseur. Écoutez. Poursuivant son étude sur les hypothèses de la fin du monde, notre ami et camarade Béville parle aujourd'hui de la deuxième éventualité, celle de la rencontre de la Terre avec un astre. Et en un mot, ce serait la collision totale, car aucun météore ne peut causer un dommage certain. Regardez par exemple dans l'Arizona, le cratère causé par le plus grand des bolides de l'espace connu. Le cratère n'a que 2 km de rayon et pas plus de 200 mètres de profondeur. En un sens, c'est négligeable. Donc vous rejetez la possibilité de perturbation majeure par rencontre avec un astéroïde ? Absolument. Mais si le merveilleux mouvement d'horlogerie céleste qui règle nos systèmes planétaires demeure la garantie absolue contre une collision, une accélération du mouvement de l'un d'eux détruirait cette harmonie. Et si la Lune s'approchait de nous, elle pourrait, avant même de nous toucher, éclater par des équilibres oscillatoires et nous bombarder de fragments énormes. Des collisions de ce genre se produisent toujours dans les abîmes du cosmos. Pourquoi pas chez nous ? Oui, mais ce sont toujours des hypothèses que disent les mathématiques. Donc, selon vous, pas beaucoup de risques ? Non, infime. Le calcul donne 1 sur 600 millions de milliards la chance, si l'on peut dire, d'une rencontre. Donc, on peut dormir tranquille. Alors, est-ce qu'on peut dormir tranquille ? En tout cas, manifestement, en 1961, c'est un extrait de l'émission Aux Portes du Monde sur la radiodiffusion française. Néanmoins, en 1961, on ne connaît pas le cosmos, la Voie lactée, et surtout ces petits jeux croiseurs aussi bien qu'aujourd'hui, Antonella Barucci. Oui, en réalité, on peut dormir quand même tranquille. Et tous les fois qu'il y a cette annonce des catastrophes et tout, c'est les parce que les journalistes, ils veulent changer d'idée, ils veulent changer, mettre des autres nouvelles dans les plateaux. Mais les risques, ils existent quand même, dans le sens qu'un astéroïde d'un kilomètre qui tombe sur Terre, il peut provoquer une énergie supérieure à 5000 mégatonnes. Et donc ça, c'est comme l'extinction des dinosaures, qu'on pense il y a à peu près 60 millions d'années, et qui a détruit complètement le climat et a changé d'une façon importante l'extinction des gros animaux et de la végétation. Donc en réalité, tous ces objets d'un plus d'un kilomètre, on ne les connaît pas tous, on les connaît peut-être 90, 95. Mais les objets encore pour cent, donc il y en a quand même encore des autres qui pourraient tomber sur la Terre. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'objets plus petits pour lesquels on connaît même pas les 50% jusqu'à 100, 200 kilomètres de diamètre. Et ça, ça peut provoquer quand même des risques importants. 200 mètres de diamètre. Hein, 200 mètres, bien 200 sûr. 200 kilomètres de diamètre, ça commence non, à devenir un peu gros. 200 mètres, 200 mètres de diamètre. Patrick Michel, oui, effectivement, faut le rappeler aujourd'hui, les gros impacteurs, les gros géocroiseurs, c'est-à-dire ceux qui font plus, je crois, la limite, c'est 140 mètres de diamètre, hein, c'est ça, ceux qui font plus de 140 mètres, il y en a un millier, on les connaît à peu près tous, c'est ce que vient de dire Antonio Barucci. Non, ça, c'est des objets plus grands que 1 km. Les grands objets plus grands que 1 km. Voilà, c'est ça. Le seuil de catastrophe globale, c'est-à-dire qu'un objet de 1 km qui tombe sur Terre aura des conséquences à l'échelle du globe. Bon, après, il faut d'abord rassurer les gens, parce qu'il y a assez de problèmes dans le monde. Donc, les astéroïdes sont d'abord des objets, j'espère qu'on va en parler aussi, qui nous apprennent beaucoup de choses sur notre histoire et sont plutôt des sources de rêves plutôt que des sources de craintes. Donc ça, c'est important, parce qu'un objet de 1 km de diamètre, certes, fait beaucoup d'effets, mais c'est tous les 500 000 ans, voire 1 million d'années. Et pour tous ceux qu'on connaît, aucun ne présente un risque sur les échelles de temps de calcul précis que l'on a, qui sont de l'ordre de 50 à 100 ans. Donc là-dessus, on est tranquille. Et il faut dire aussi que c'est le risque naturel le moins probable par rapport à tous les risques naturels auxquels on a affaire, hein, les tsunamis, les tremblements de terre. On a tous vécu ça ou au moins entendu parler de ça pendant notre existence. L'impact d'un gros astéroïde, heureusement, pour l'instant, ne nous a pas perturbés. Il y a eu quelques explosions, la météore de Tchelyabinsk en 2013 au-dessus de la Russie. Mais il a un avantage, c'est que, alors d'abord, effectivement, quand il se concrétise, comme le disait Antonella, il a des grandes conséquences. Donc, il ne faut pas non plus le complètement le négliger, et d'autant plus que c'est le seul risque que l'on peut prédire et éviter avec des moyens qui sont raisonnables et réalisables et dont on parlera probablement plus tard. Alors justement, on va évidemment parler de ça puisque vous êtes, je le rappelle, Patrick Michel, le directeur scientifique de la mission ERA, qui est une mission dont on va parler, une double mission avec la mission DART d'un consortium piloté par la NASA et l'ESA et qui a pour but de tenter pour de vrai dans l'espace une déviation. On va en parler dans un instant, mais tout de même pour finir avec ce fantasme qui est très vrai, qui a été évidemment amplifié, relayé par le cinéma hollywoodien, le cinéma d'action. Il y a par exemple le petit météore de Tchelyabinsk, hein, qui a quand même fait de belles explosions, un météore de 20 mètres de diamètre, ça n'est pas énorme. Et puis l'an dernier, le 25 juillet 2019, il y a un gros objet, un peu plus, hein, entre 60 et 100 mètres, qui est passé à 1/5 de la distance Terre-Lune, 72 500 km. Là, pour le coup, on peut commencer à dire que c'est près, mais celui-là, on ne l'a pas vu du tout, on l'a vu a posteriori, Antonio Barucci. Ça veut dire qu'il y a quand même des objets qui peuvent faire potentiellement des dégâts, qui passent à travers les mailles du filet? Oui, alors, d'abord, on ne les connaît pas tous, comme on disait tout à l'heure. Donc, il y a ces petits objets, plus de 50%, qui on ne connaît pas. Donc, là, l'intérêt de les observer, de les découvrir. Et en réalité, il y a plusieurs campagnes dans le monde entier organisées par la NASA et par l'Agence européenne pour essayer de détecter tous les objets qui passent près de la Terre. Et après, naturellement, ça dépend de la composition de ces objets et l'orbite dans laquelle ils tombent sur Terre. Parce que même un objet d'à peu près 100 mètres, qui pourrait faire un impact assez important, ça dépend si c'est de fer ou par exemple des chondrites carbonées. Parce que dans les cas qui est chondrite carbonée, est très friable. Une fois qu'un objet rentre dans l'atmosphère, ça pourrait aussi se casser, dégrager un petit morceau. Et ça dépend aussi de l'inclinaison dans laquelle il tombe sur Terre. L'effet d'un objet qui tombe perpendiculairement, c'est pas le même d'un objet qui tombe très rasant vers l'horizon. Parce qu'il va rester plus longtemps dans l'atmosphère, donc plus de temps pour se désagréger. Et après, ça dépend aussi où il va tomber. S'il tombe dans l'océan ou s'il tombe sur Terre, c'est évidemment pas le ou même. Ou dans les déserts, ou dans des choses comme ça. Patrick Michel, sur cette question, de dire qu'il y a tout de même, alors évidemment, peut-être pas des objets massifs comme celui qui est tombé il y a 65 millions d'années. On peut rappeler qu'il faisait a priori 14 kilomètres, donc c'était vraiment un objet très massif, celui qui a conduit à l'extinction du Crétacé. Mais néanmoins, des objets d'une centaine de mètres qui peuvent tout de même faire des dégâts importants à l'échelle d'une ville ou même qui s'y tombent sur Terre, ceux-là, ils peuvent encore passer entre les mailles du filet. Ah oui, même des objets plus gros, c'est sûr, parce que effectivement, comme le dit Antonella, on est en train de faire l'inventaire. Il y a une partie qu'on connaît pas. Certains ont des trajectoires qui les rendent difficilement observables jusqu'au dernier moment. Donc c'est ça le problème. Par contre, ce qu'il faut dire, et c'est très important parce qu'on va avoir de plus en plus de cas comme ça, c'est que du fait qu'on a des programmes d'observation un peu mieux organisés dans le monde pour détecter ces objets, encore qu'il n'y a aucun programme dédié complètement. C'est important de le dire. Les deux principaux observatoires qui découvrent ces objets sont le Catalina Sky Survey en Arizona et le Pan-STARR à Hawaï, sur la superbe île de Maui. Ça fait rêver. Eh bien, ces deux-là, ils récoltent en fait toutes les données, mais en fait, ils sont dédiés à l'astrophysique en général. Et c'est simplement que, comme ces objets passent sur la carte du ciel, eh bien, on les voit, mais ce n'est pas des programmes dédiés. Il n'y a pas de programme dédié aux géocroiseurs. Mais il y a quand même une meilleure organisation mondiale. On a aussi des financements de la Commission européenne pour ça, etc. Et donc, du coup, on augmente le nombre de découvertes et aussi du coup, eh ben, on s'aperçoit qu'il y en a qui passent près de nous. Mais c'est pas qu'on a une augmentation du nombre de passages. C'est simplement comme, je prends toujours l'image de l'autruche qui met la tête dans la terre, puis il y a deux autoroutes à côté. Et le jour où elle soulève sa tête de la terre, elle s'aperçoit qu'il y a deux autoroutes. Ouh là là, ben non, ils étaient là. Mais simplement, maintenant, on les observe. Et donc, il va y avoir de plus en plus, et d'ailleurs en 2020, il y a de nombreux passages proches déjà prévus, d'objets qu'on a découverts assez récemment, et ça va continuer. Donc, c'est important de dire au public que c'est pas parce qu'ils vont entendre de plus en plus ce genre d'annonce que le danger, il est plus élevé. Et une chose aussi à rajouter, c'est quand on dit qu'un astéroïde frôle la Terre, j'avais déjà expliqué ça l'été dernier quand les gens s'affolaient, en fait, c'est pas très bon de dire frôler la Terre, parce que moi, si quelqu'un me frôle, ça veut dire que je le ressens. La Terre, elle va rien ressentir. En fait, c'est l'astéroïde qui va ressentir la Terre. Donc, il y a un petit peu de pédagogie à faire, parce qu'effectivement, on va avoir de plus en plus de découvertes de ce genre-là. Juste un dernier mot à ce propos, et effectivement, ensuite, on va voir comment réagir et quels sont les programmes, et comment, finalement, bien ces programmes sont des programmes internationaux et assez passionnants. Quand on dit, en fait, finalement, frôler, effectivement, comme je le disais d'ailleurs dans la présentation, hein, la plupart de ces objets passent au-delà de l'orbite lunaire. Il y en a beaucoup qui passent entre la Terre et la Lune. On a une proportion à peu près comme ça en tête, Patrick Michel ? Alors, on n'a pas une proportion. On sait qu'il y en a qui passent. C'est un petit peu. De toute façon, c'est aléatoire. Hein. C'est-à-dire que c'est des objets qui sont soumis aux rencontres avec les planètes, et c'est ça qui modifie leur trajectoire. Et tout ça, il y a un aspect aléatoire. Il y en a quelques-uns. Il y en a eu récemment, il y a quelques années. Mais il va y avoir surtout en 2029 l'astéroïde Apophis, qui lui va passer à moins de 36 000 km de la Terre, c'est-à-dire à l'intérieur de la distance à laquelle les satellites artificiels géostationnaires orbitent. Et on va même pouvoir le voir à l'œil nu parce qu'il fait à peu près 400 mètres de diamètre et on va pouvoir voir sa lumière à l'œil nu. Donc ça, c'est assez exceptionnel parce que c'est un objet relativement gros. Il y a eu d'ailleurs toute une histoire. Au départ, on pensait qu'il rentrait en collision avec la Terre, puis petit à petit, on a éliminé cette probabilité-là grâce justement au suivi par les télescopes terrestres pour affiner sa trajectoire. Donc celui-là, il va passer très près. Il y en a un autre qui va passer aussi très près, un petit peu avant. Donc de temps en temps, on en a un qui passe très près de la Terre, mais encore une fois, tant qu'il ne touche pas la Terre, il ne nous perturbe pas. Antonin Barucci. Oui, donc en réalité, il y a toute une famille d'astéroïdes qui s'appellent les astéroïdes dangereux, potentiellement dangereux, et aujourd'hui, donc qui sont plus ou moins, qui ont une orbite inférieure à 0,05 unités astronomiques. Donc je vous rappelle, l'unité astronomique, c'est 148 millions de kilomètres, donc à peu près à 7 millions de kilomètres de la Terre. Et en réalité, le problème, c'est qu'on connaît seulement les 9% de ces objets qui passent si proches. Et il y en a à peu près 200 qui sont quand même avec un diamètre plus grand qu'un kilomètre. Mais donc, comme il disait Patrick, ces objets, on les découvre de plus en plus, mais normalement, on ne connaît pas l'orbite exacte. Quand on découvre, on a une approximation de son orbite. Seulement après que l'objet il a fait 3 tours autour de la Terre, on peut avoir une orbite beaucoup plus précise. Et même là, il faut des années des calculs, des années des simulations pour faire des estimations. Comme dans les cas d'Apophis, comme il disait Patrick, on pensait qu'il serait tombé sur Terre en 2029, après en 2036, en 2068, mais en réalité, on voit que de plus en plus, il n'y a pas des risques absolus avec cet astéroïde. Juste pour préciser, pour donner des échelles, hein, les Near Earth Objects, les géocroiseurs dits dangereux, vous dites c'est 0,05 UA, 7 millions de kilomètres de la Terre. Pour donner une échelle, l'orbite Terre-Lune, c'est un peu moins de 400 000 kilomètres. Ouais. Donc 7 millions, on est quand même déjà relativement loin. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20, nous parlons donc de ces géocroiseurs et de ces astéroïdes et bien de la possibilité de dévier leur course au cas où ils s'approcheraient vraiment de beaucoup trop près de notre atmosphère. Nous en parlons avec Antonella Barucci qui est avec nous ici en studio et Patrick Michel avec qui nous sommes en ligne sur Internet. Peut-être un mot un peu historique, Patrick Michel. À partir de quel moment, on entendait tout à l'heure l'archive de 1961 qui sous-estimait très très largement les risques de collision, maintenant qu'on les maîtrise et qu'on les aperçoit soit un peu mieux grâce à vos interventions, à partir de quel moment finalement la communauté internationale, les différents États ont commencé à se rendre compte du potentiel danger que cela pouvait constituer et donc se regrouper ou en tout cas prendre en considération ce danger pour éventuellement pouvoir lui apporter une réponse? Alors en fait, bizarrement, il a fallu attendre les missions Apollo déjà qui ont ramené des échantillons de la Lune pour que la communauté scientifique s'accorde sur le fait que les cratères sur la Lune étaient bien des cratères d'impact et pas des volcans. Parce qu'en fait, comme ces cratères étaient circulaires, tous, on n'avait encore pas compris que peu importe l'angle, à part si c'est très rasant, d'arriver d'un projectile sur un corps solide, comme il produit une explosion, il produira un cratère circulaire. On a quelques cratères elliptiques, mais parce que l'angle est très très rasant, mais en majorité c'est circulaire. Et ça, beaucoup de scientifiques n'aimaient pas ça. Et du coup, il a fallu attendre les échantillons ramenés par la mission Apollo pour voir qu'il n'y avait pas d'activité volcanique sur la Lune et que donc les cratères étaient bien des cratères d'impact. Donc ça, c'était la communauté scientifique. Ensuite, pour la communauté, j'allais dire pour les politiques, les décideurs, le premier vraiment événement qui a marqué les esprits a été l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994, en juillet. Je pense qu'Antonella, d'ailleurs, devait l'observer. Et c'était une comète qui était passée près de Jupiter une première fois et les effets de marée, un petit peu comme ce qui fait bouger l'eau sur Terre à cause de la présence de la Lune, quand on passe très près d'une planète, on subit ces effets et ça peut vous modifier votre forme, voire vous fragmenter. Et cette comète a été fragmentée en 21 morceaux. Et ça, pour le coup, on a pu prédire à l'avance que, je crois que c'est un an plus tard, il rentrait en collision avec Jupiter. Et c'était la première collision que l'être humain a vue de ses yeux vus. Puisqu'avant, on avait des traces, mais rien de... Et à partir de là, il y a eu la première résolution de la Commission européenne pour commencer à engager des procédures pour faire face à ce risque. Et il y a des images magnifiques d'ailleurs qu'on va vous poster sur notre fil Twitter. Vous l'avez vu, cette collision de Shoemaker-Levy 9 en juillet 94. Oui, j'étais au pic du midi à l'époque. Il y avait cette collision et c'était un moment unique dans l'histoire des astronomes. Et je me souviens, c'était la nuit, il y avait un match de foot France-Brésil. Et donc, tous les techniciens, c'était en train de regarder les matchs. Et nous, les astrophysiciens, on était tout seuls au télescope, en réalité, à voir cette chose unique. Et voir les taches noires sous la comète, dès qu'il y avait un morceau qui tombait, parce que c'était de l'autre côté. Donc, on pouvait pas voir en direct l'image au moment de la collision, mais on voyait jusqu'après la rotation de Jupiter, l'effet de l'impact sous l'atmosphère de Jupiter. Et du coup, quelques années après, une échelle de dangerosité, en quelque sorte, qu'on appelait l'échelle de Turin, a été définie en 1999, Patrick Michel? Oui, c'est ça. En fait, c'était parce que on commençait justement à avoir ces problèmes de détection d'objets dont les premières observations, comme le disait Antonella, quand on observe une première fois un objet, on a une grande barre d'erreur sur la trajectoire réelle. Et donc, quand on veut calculer la trajectoire dans le temps, on fait des calculs en prenant comme condition initiale tous les possibles parmi par rapport aux erreurs qu'on a dans l'observation. Et bien souvent, il y a au moins une solution qui aboutit à une collision avec la Terre. Et puis quand on observe plusieurs nuits l'astéroïde et qu'on a une meilleure précision sur sa position, eh bien parmi toutes les trajectoires qui menaient à une collision avec la Terre, il y en a beaucoup qui s'éliminent parce qu'on réduit l'incertitude sur sa position initiale. Et puis comme ça, on avance. Mais malheureusement, c'était déjà à l'époque où les médias, comme on est très transparent et que dès qu'on a une observation, on la met sur le site du centre des planètes mineures, le Minor Planet Center aux États-Unis, pour que les amateurs puissent suivre l'objet. Bien sûr, à chaque fois, on indiquait où là il y a un gros risque, et les médias prenaient ça en main, et puis tout de suite, il y avait un affolement. Donc on avait fait un atelier de travail international à Turin, en 99, pour parler de ce problème-là, et comment mieux quantifier ce risque, parce que simplement dire « attention, il y a risque observé », ça ouvrait la porte à de l'affolement. Et donc on a défini cette échelle de Turin, qui pèse finalement l'imprécision sur la trajectoire avec les dégâts que engendrerait la probabilité de collision avec les dégâts qu'engrangerait l'objet. Parce que finalement, un risque, c'est quoi? C'est une probabilité fois une conséquence. Si j'ai une grande probabilité qu'il m'arrive quelque chose, mais la conséquence est mineure, c'est pas très important. Si j'ai une petite probabilité qu'il m'arrive quelque chose, mais avec des grandes conséquences, on voit que le risque, c'est un risque qu'on prend plus en considération. Donc on a essayé de mettre ça dans une échelle que personnellement j'aime pas beaucoup, et d'ailleurs qui est pas très utilisée parce que finalement je trouve que c'est assez confus. Mais l'idée c'était celle-là, c'était effectivement la notion de risque qui est très subjective. On voit même actuellement avec ce qui se passe, à quel seuil on commence à prendre des précautions, etc. On a essayé de mettre en œuvre une sorte d'échelle qui permet de mieux mesurer ce risque. C'était ça l'idée. Antonio Labarucci. Oui, donc en réalité, jusqu'après, il y a eu une autre échelle qui s'appelle l'échelle de Palermo, où c'était un peu une échelle un peu plus faite par les scientifiques, qui tenait compte aussi de tous les dates d'impact, de l'énergie, de la probabilité, et donc d'évaluer, comme disait Patrick, vraiment les risques de ces objets. Et donc, normalement, on a une échelle qui va de moins 2 à 0, où il faut effectivement commencer à se poser un problème. C'est une échelle logarithmique, hein, c'est pour ça que ça va. Normalement, voilà, ce sont des échelles logarithmiques. Et donc, il y a jusqu'aux deux objets qui sont dans cette partie de l'échelle où, en réalité, même pour ces objets, il n'y a pas vraiment de risque. Mais si l'échelle est encore plus importante, les risques, bon, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Mmh. Il y a néanmoins effectivement une prise de conscience aussi des pouvoirs publics, puisque je crois que depuis 2009, les agences spatiales et les experts se réunissent tous les deux ans pour une réunion qui s'appelle la Planetary Defense Conference. En quoi ça consiste cette réunion, Antonella Barucci? Ah oui, c'est une réunion qui se tient dans des lieux différents chaque deux ans. Et donc, ils regroupent tous les experts mondiaux, qu'ils soient des astronomes, qu'ils soient des dynamiciens, des scientifiques, mais aussi des experts en technologie pour discuter tous ensemble quels sont les risques réels, quelle est la science, qu'est-ce qu'on déduit et quelles sont aussi les techniques éventuellement, comment on peut intervenir. Parce qu'il y a quand même des réflexions sous différentes techniques qu'on peut utiliser dans les cas des risques réels. Il y a trois techniques, on peut les citer, il y a trois techniques qui ont été mises au point en fonction finalement du type d'objet. Voilà, il y a trois techniques donc qu'on a mis en fonction et on peut les résumer comme une technique des collisions cinétiques, une technique nucléaire. Alors une technique de collision cinétique, c'est envoyer un projecteur pour que ça modifie finalement la trajectoire de l'objet. Le but de toutes les trois techniques, c'est changer l'orbite. Donc, s'il y a une orbite dangereuse qui pourrait tomber, que l'objet pourrait tomber avec la Terre, l'objectif est de changer, dévier son orbite. Donc, le problème, c'est, ça dépend en réalité aussi du temps qu'on a à disposition. Donc, juste pour être très bref, les trois techniques, c'est l'impact. Un impact très fort nucléaire dans les cas de catastrophes vraiment dangereux. C'est-à-dire d'un très gros objet, notamment. D'un très gros objet, dans lequel il faut vraiment intervenir dans une façon puissante. Et après, celle qu'on essaye de se mettre en orbite à côté, qu'on appelle blast deflection. Traitage gravitationnel qui sert à dévier légèrement, avec des petits poussées, l'orbite de ces objets. Mais pour faire tout ça, il faut connaître leur composition. Il faut connaître leurs caractéristiques, la masse, les dimensions, les diamètres diamètre, mais aussi la forme, la composition pour voir les types d'objets, etc. Donc, en réalité, on a à disposition différentes techniques qui on n'a jamais testées. Et là, pour la première fois, on va les tester avec l'émission d'Art Era, mais pour lesquels on a besoin aussi d'informations. Donc, il faut tester les techniques qu'on ne connaît pas et il faut avoir une caractérisation des objets les plus vaste possible pour savoir comment on peut intervenir dans les cas de danger. Bien sûr, Patrick Michel, pour compléter ça, c'est vrai que évidemment tout est différent en fonction de la nature. Si cet objet, c'est plutôt du métal, si c'est plutôt des chondrites carbonées agglomérées, si c'est de la glace, si c'est un objet unique, un objet double, enfin tout ça va évidemment influer énormément sur la stratégie à adopter. Oui, en fait, la réponse de l'objet à ce qu'on va lui faire dépend de sa structure interne. Pour un impact, par exemple, une éponge ne réagira pas de la même manière qu'une barre métallique. Ça, c'est clair. Je voulais d'abord revenir au pouvoir politique, parce que la première fois que j'ai fait cette conférence, c'était une conférence qui est vraiment initiée par la communauté scientifique, les agences spatiales, les industries qui s'intéressent à ce problème-là. Les politiques, on fait un exercice pendant toute la durée de la conférence, et la prochaine aura lieu à Vienne d'ailleurs, au siège de l'ONU l'année prochaine, on fait un exercice, une simulation, où on nous donne chaque jour des informations qu'on ne connaît pas à l'avance sur un scénario d'impact, et on a 5 jours pour mettre en œuvre un protocole pour y faire face. À chaque fois, on a raté notre coup. C'est ça, parce que j'ai les résultats de la dernière qui s'est tenue à Washington le printemps dernier. Vous pouvez nous dire comment ça s'est terminé à Washington? Le scénario s'est pas très très bien terminé, hein. Ah oui, mais à chaque fois. Alors la première fois, c'est tombé au large de Marseille, donc j'étais pas très content. Moi, je suis à Nice. C'était à Flagstaff en 2013. Et puis ensuite, petit à petit, on arrive quand même à mettre en œuvre une technique. Mais au final, il y a toujours un petit morceau qui tombe sur Terre. Donc la dernière fois, c'était aussi ça. Donc ça montre que effectivement, on est en train de s'organiser. Et c'est très bien parce qu'on partait de loin. J'avais été mandaté à l'ONU pour faire partie d'un groupe de travail qui a permis d'ailleurs de mettre en place un protocole qui permet de répondre au niveau de l'ONU à ce problème en mettant en œuvre 2 groupes. Un qui contient les experts comme Antonella qui vont observer, découvrir les objets et être capable de dire si on a une alerte. Et puis un autre groupe qui est composé des membres des agences spatiales qui peuvent répondre à cette alerte en mettant en place une mission spatiale. Donc c'est un petit peu pour organiser une réponse à l'échelle mondiale, parce que c'est un problème international et il faudrait pas qu'un pays décide comme ça d'envoyer un truc et puis amplifie le problème. Donc on n'est pas encore complètement organisé, mais c'est en voie de l'être. Et pourquoi je disais tout ça? Oui, parce que évidemment on discute des techniques de déviation. Il faut voir que pour l'instant on n'a fait aucun test, c'est-à-dire que ce dont a parlé Antonella, c'est uniquement des études sur le papier. Et entre le papier et la mission réelle, il y a toujours un grand pas. Et donc c'est pour ça qu'il est important de faire un test. Par exemple, quand on parle du tracteur gravitationnel, qui est donc en fait l'idée de prendre un satellite artificiel qu'on va mettre à proximité d'un astéroïde pour attirer l'astéroïde vers le satellite, hein, en utilisant la loi de Newton, hein, l'attraction. Comme ça, on dévie sensiblement l'objet de sa trajectoire. D'abord, ça peut marcher que pour des petits objets, parce qu'on va pas envoyer des énormes satellites. Et puis, il faut pouvoir maintenir à une distance fixe de l'astéroïde un satellite artificiel, sachant que l'astéroïde peut avoir une forme irrégulière, il tourne sur lui-même. Et quand on voit la complexité des opérations à proximité d'un petit corps, Antonella parlera d'Osiris Rex, c'est extrêmement compliqué d'être à proximité d'un petit corps qui n'a pas de gravité, qui donc maintenir à une distance fixe pendant longtemps pour le dévier un objet, c'est pas trivial. Donc en fait toutes les techniques dont on peut parler ont des difficultés. On parlera plus tard de l'impacteur. Et donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire des tests pour s'assurer que l'idée qu'on a qui semble marcher sur le papier, eh bien marchera quand on la concrétisera. Et ces tests, on va voir exactement en quoi ils consistent, puisque c'est cette fameuse double mission DART plus ERA, une mission conjointe NASA-ESA, qui est programmée, qui est financée, qui va partir quoi qu'il arrive et qui va essayer bien justement de dévier un tout petit astéroïde. On en parle dans un instant. Astéroïdes sur France Culture à 16h35 par Orval Carlos Sibelius, puisque c'est ce dont il est question. Et des astéroïdes des plus méchants d'entre eux, ceux qui veulent nous rentrer dedans et qui menacent de mettre fin à la pour les plus gros d'entre eux, à toute vie sur notre belle planète. Si nous ne nous en chargeons pas avant, ce qui est pour le moment en termes de probabilité un peu plus vraisemblable. Néanmoins, nous parlons de ces géocroiseurs impacteurs avec Antonella Barucci, qui est planétologue, astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris, et avec Patrick Michel, qui est directeur de recherche CNRS et responsable scientifique de la mission européenne ERA. Mais avant de parler justement de cette double mission ERA et DART, un autre moyen d'anticiper un éventuel futur impact de géocroiseurs, eh bien c'est d'étudier ceux qui ont déjà eu lieu et que l'on a pu identifier sur Terre. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est moins facile qu'il n'y paraît de retrouver d'anciens cratères d'impact. Oui, j'ai rencontré Sylvain Boulet, qui est planétologue et maître de conférences au laboratoire géosciences de l'université Paris Sud. Et avec lui, on a essayé de comprendre comment on pouvait trouver la trace d'un impact d'astéroïde sur Terre, qui est une chose pas si évidente que ça, compte tenu de l'érosion et de la tectonique des plaques. On a cru jusqu'au milieu du XXe siècle que tous les cratères sur Terre étaient liés au volcanisme, mais les choses ont bien changé. Et on sait depuis la découverte du cratère de Chicxulub qu'un impact d'astéroïde peut avoir des conséquences désastreuses sur un écosystème, voire sur notre planète entière. Avec Sylvain Boulet, nous avons parlé des méthodes grâce auxquelles on peut reconnaître un cratère d'impact, et nous avons regardé des cailloux qui portent dans leur chair, si je puis dire, la trace de ces impacts passés d'astéroïdes. Sur Mars ou sur la Lune, par exemple, la majorité des cavités sont des cratères d'impact. Donc effectivement, c'est une dépression qui n'est pas très profonde, marquée par un rim assez bien marqué, un bord assez bien marqué. Effectivement, la majorité de ces trous sur les planètes sont des cratères d'impact. Sur Terre, ce n'est pas le cas. Sur Terre, effectivement, reconnaître des cratères d'impact, c'est très compliqué, parce que au fur et à mesure du temps, tous les cratères qui sont formés il y a plus de 4 milliards d'années ont été effacés, notamment par la tectonique des plaques. Évidemment, on a la tectonique des plaques qui a effacé les plus vieux cratères, et puis aujourd'hui on a aussi l'érosion qui efface au fur et à mesure les cratères qu'on voit actuellement. Et donc d'un point de vue juste morphologique comme ça, c'est très compliqué de savoir ce que si c'est un cratère ou pas. On sait seulement ce que c'est un cratère d'impact que depuis 1960. Avant, en fait, on confondait totalement une structure volcanique d'une structure de cratère d'impact. Et en fait, la morphologie ne suffit pas pour différencier un cratère d'impact. Il faut aller sur le terrain et étudier les roches microscopiquement. Et là, vous allez voir justement les effets du choc, parce que quand on a un impact d'astéroïde, c'est quelque chose de très violent. Vous allez modifier la minéralogie, vous allez avoir ce qu'on appelle le métamorphisme d'impact, et ça va laisser des traces dans les minéraux. Alors on y vient. Quels sont les effets d'un impact de météorite? On va commencer par la géologie. Si on regarde dans le détail, qu'on se trouve dans une cuvette, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on va étudier? Il faut rechercher effectivement ce catastrophisme, parce que c'est quelque chose de catastrophique, un impact. C'est quelque chose de très violent qui a lieu en une fraction de seconde, que la formation du cratère peut durer plusieurs dizaines, voire plusieurs minutes, mais c'est quelque chose de violent. Prenons un astéroïde de 10 km de diamètre qui arrive sur Terre. Quand il arrive à une vitesse de plus de 11 km seconde, au moment où il va impacter la surface de la Terre, la pression atteinte peut atteindre plus de 100 gigapascales. C'est une pression considérable, la pression qu'on aurait à plus de 2000 km de profondeur à l'intérieur de la Terre. Et donc, en fait, quand l'objet va arriver à une telle vitesse et avec une telle pression, eh bien, les roches vont être... Alors, première chose, l'astéroïde lui-même va totalement se vaporiser d'un coup. Et quand l'astéroïde, justement, crée cette onde de choc, eh bien, cette onde de choc va commencer à se propager, et elle est tellement puissante que, premièrement, elle va fondre les roches. On va aussi les choquer, c'est-à-dire que les minéraux, on va les modifier un petit peu, et on va voir notamment des traces à l'intérieur, ce qu'on appelle les quartz choqués. Et puis on va bréchifier les roches, c'est-à-dire que on va éjecter des roches concassées, et une fois que ça va tout se retomber, ça va se reformer sous forme de brèches d'impact, avec des morceaux bien identifiés qui vont être dans une matrice plus ou moins fondue. Donc ça, c'est vraiment l'effet dans les roches. Et naturellement, le sol va s'ouvrir. Donc on va avoir une cavité qui va s'ouvrir selon la taille de l'impacteur. Hein. Globalement, on a un rapport de 20 entre la taille de l'impacteur et la taille du cratère. Un impacteur d'un kilomètre va faire globalement un cratère de 20 km de diamètre. Et effectivement, selon la taille, eh bien, cette cavité va s'ouvrir. Quand il n'y aura plus d'énergie, eh bien, là, on va plutôt avoir un stade de modification où on va raffaisser un petit peu le cratère. Il peut y avoir aussi, pour les gros, un pic central qui va monter, un peu comme un effet goutte d'eau quand vous jetez un caillou dans une mare d'eau. Vous allez avoir un trou et puis une petite goutte d'eau. Et la goutte d'eau va retomber, vous allez avoir des cercles concentriques. Et donc voilà, les trois grands types de cratères. Cratères simples, des petits cratères, forme bien en bol. Cratères complexes, avec un pic central qui remonte. Et pour les plus grands bassins, des cercles concentriques à l'intérieur. Alors, vous tenez dans vos mains deux morceaux de roche qui portent la trace d'un impact d'astéroïde, ou en tout cas qui témoignent d'un impact d'astéroïde. Oui, tout à fait. En fait, quand on est sur le terrain et qu'on cherche les preuves de cratères d'impact, en fait, on peut avoir des preuves microscopiques, donc dans les roches, dans les minéraux, voir effectivement les chocs dans les minéraux. Mais déjà, macroscopiquement parlant, on peut voir déjà des preuves. Et là, les deux cailloux que j'ai déjà une brèche d'impact, où dans cette brèche, vous voyez qu'il y a plein d'éléments à l'intérieur, plein de petits morceaux qui sont plus ou moins anguleux et qui sont noyés dans une matrice. Tous les morceaux qu'on voit là, ce sont des morceaux qui ont été fragmentés, concassés au moment de l'impact et qui sont retombés par la suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une brèche d'impact. Alors ce que j'ai dans cette seconde roche, en fait, c'est ce qu'on appelle un shatter cone, ou un cône de percussion en français. Et vous le voyez, en fait, qu'est-ce que c'est ? On voit des striations, des striations qui, quand on les prolonge, eh bien, elles se rassemblent toutes en un point. Et en fait, ça fait un cône. Et en fait, ça, c'est une fracture qui se propage. On ne sait pas encore totalement comment ça se forme, mais ce qu'on sait, c'est que ce genre de fracture conique, c'est pervasif, c'est-à-dire que si on casse dans la roche, on retrouve eh bien, ce genre de fracture. Et ça ne se forme qu'en contexte de cratère d'impact. Donc si vous trouvez un shatter cone dans votre jardin, et bien vous nous appelez, parce que forcément c'est une preuve de cratère d'impact. À partir de quelle taille un impact est considéré comme catastrophique pour un environnement ? Tout va dépendre de l'échelle à laquelle on va prendre vraiment les conséquences. Si vous avez un astéroïde de 100 mètres, ça va faire théoriquement un trou de à peu près 2 km de diamètre. 2 km de diamètre, bah évidemment, s'il y a une ville en dessous, il n'y a plus de ville. Et puis, ça va avoir des conséquences régionales. Si par contre, vous prenez un cratère, comme ça a été le cas par exemple de Chicxulub, il y a 66 millions d'années, là c'est 10 km, ça fait quasiment un trou de 200 km de diamètre. Là, vous allez avoir des conséquences à l'échelle planétaire. Et donc, il va y avoir un espèce de continuum entre les plus petits et les plus gros, sachant quand même que c'est très mal connu. On connaît les conséquences environnementales d'un cratère comme Chicxulub, parce qu'on les a vraiment bien identifiés, et ça correspond à une crise naturelle où on va avoir quasiment 70% des espèces qui ont disparu. Pour les autres, c'est quand même, on n'a jamais vraiment retrouvé de preuves bien marquées, même si l'environnement local a été modifié, mais à l'échelle planétaire, il faut quand même déjà du lourd, c'est-à-dire que voilà, Chicxulub, c'est ce qui est à 10 km, c'est ce qui cause effectivement un phénomène à l'échelle de la planète Terre. Voilà, et si vous voulez participer à cette recherche de cratères d'impact d'astéroïdes sur Terre, vous pouvez vous rendre sur le site de sciences participatives Vigicrater, vigi-crater.org, que coordonne Sylvain Boulet. On va partager le lien sur le fil Twitter et sur la page de l'émission. Évidemment, merci beaucoup Antoine, comme chaque jour. Antonella Barucci, une réaction. Oui, je voulais juste ajouter qu'en réalité, il y a des preuves qui montrent qu'il y a eu cette collision. Et un des preuves qui s'était fait par Alvarez, qui avait trouvé une couche d'iridium, donc dans les différentes stratifications en Umbrie, en Italie, à côté d'une ville qui s'appelle Gubbio, petite ville médiévale magnifique. Mais dans les montagnes, on trouve dans cette couche de l'iridium, et cet iridium, cette couche des terrains remonte aux périodes Crétacéo-Tertiaire, donc celle qui c'est 65 millions d'années, et donc ça correspond presque à la mort des dinosaures. Et donc à l'impact de Chicxulub. Et donc à l'impact qu'il y a eu en Yucatan à l'époque. Et donc cet iridium, c'est une matière qu'on n'a pas sous Terre, et qui ont trouvé sur les météorites. Donc là, c'était une des premières preuves vraiment qui montre qu'il y a les cratères, sont des cratères d'impact des objets qui viennent de l'extérieur de la Terre. Patrick Michel, parlons un peu de cette mission double DART, ERA, NASA, ESA. Elle remonte à quand, et c'est une structure un peu particulière, hein, parce que c'est un consortium en fait, c'est ni vraiment la NASA ni vraiment l'ESA, c'est une sorte de consortium international qui va lancer ces deux satellites pour essayer donc de dévier un petit géocroiseur qui a été sélectionné. Comment ? Racontez-nous un peu tout ça. D'accord. Alors, je vais essayer d'être bref, mais il y a un mélange de politique, de plein de choses. Donc en fait, tout a commencé il y a 15 ans à l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est bien l'ESA qui a été initiatrice, en fait, de ce type de problème, qui avait sollicité un panel d'experts, dont j'avais l'honneur de faire partie, pour recommander des missions spatiales pour faire face à ce risque d'impact. Alors, il y avait des missions spatiales pour faire la détection depuis l'espace de ces objets. Il y avait des missions spatiales pour les caractériser. D'ailleurs, Antonella faisait partie d'un projet. Nous avons recommandé une mission qui s'appelait Don Quichotte, qui consistait à envoyer deux satellites, un impacteur appelé Hidalgo et un orbiteur Sancho. Hidalgo du Don Quichotte, je précise. Oui, bien sûr. C'est important en ce moment, oui. Voilà, exactement. L'idée, c'était de faire un impact sur un astéroïde et de mesurer avec l'orbiteur l'effet de l'impact. Ça a conduit à une étude industrielle sur papier jusqu'en 2007. Et puis, en l'absence de programme à l'Agence spatiale européenne pour poursuivre le projet et de budget surtout, il est resté dans les cartons. Et ensuite, j'étais aux États-Unis avec un collègue qui s'appelle Andy Chang, de l'Applied Physics Laboratory de John Hopkins à Baltimore. Et on rediscutait de ce projet. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée que peut-être, puisqu'il y avait un problème de budget, etc., peut-être qu'on pourrait diviser les coûts en faisant prendre en charge le projectile par une agence et l'orbiteur par une autre agence. Surtout, on voulait que ces deux missions soient indépendantes, entre guillemets, parce qu'il y avait ce problème à l'époque, c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi un mélange de politique, il y avait ce problème à l'époque, et Antonella s'en souvient aussi, que la NASA et l'ESA, les relations n'étaient pas triviales, parce que la NASA s'était retirée de quelques projets que je nommerai pas de l'Agence spatiale européenne, et donc il y avait, disons, une baisse de confiance entre les deux agences, et on se disait que pour maximiser les chances de mener à bien ce projet, il valait mieux montrer qu'on avait trouvé une manière de les faire de manière un peu indépendante. Alors comment, en le disant brièvement, eh bien, en fait, on s'est dit, si on trouve un objet, on a dans la population des astéroïdes des systèmes doubles, un peu comme la Terre et la Lune, mais en plus petit. Donc, on appelle ça des astéroïdes binaires. Donc, on a un astéroïde. Alors, pour le coup, celui-ci s'appelle Didymos, dont le corps central, l'équivalent de la Terre, fait 800 mètres de diamètre. Et la petite Lune, l'équivalent de notre Lune, fait 160 mètres de diamètre. Donc, on voit vraiment que c'est à petite échelle. Et on l'appelle Didymoon. Et on l'appelle Didymoon, mais en fait, c'est une appellation, c'est un surnom, parce que c'est pas une appellation officielle. Moi, j'aime bien, mais je crois qu'on va devoir officialiser un autre nom. Okay. Et donc, l'idée, c'est si on tape sur la petite Lune, ça présente un avantage au moins, c'est qu'en fait, pour faire un test de déviation, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est capable de taper sur une roche, donc on ne connaît pas la forme, etc. Donc, peu importe que ce soit la Lune d'un objet ou un astéroïde qui tourne autour du Soleil. Donc, l'avantage de taper sur la Lune, c'est que on va modifier la trajectoire de la Lune autour du corps central, ce qui évite de modifier la trajectoire de l'astéroïde autour du Soleil, parce que la plupart de la masse est dans le corps central. Parce qu'on veut pas jouer au billard avec les astéroïdes, parce qu'en voulant faire un test, on veut pas provoquer un cas réel. Donc, du coup, on tape sur la petite Lune. Du coup, on perturbe simplement la Lune, mais le corps lui-même, le système, sa trajectoire, elle bouge quasiment pas. Et en plus, comme la Lune tourne à une très faible vitesse autour de son corps central, en arrivant à très haute vitesse avec un projectile, on va pouvoir mesurer la déviation, la perturbation instantanément. Alors qu'un astéroïde qui tourne autour du Soleil, il tourne à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, enfin, il avance à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc, si on tape à ce qui va être le cas 6 km par seconde, eh bien, il va falloir plusieurs mois pour vérifier la déviation. Donc, on s'est dit, l'avantage d'une petite Lune, c'est qu'on peut mesurer la déviation plus rapidement, même instantanément, mais encore faut-il pouvoir le faire sans avoir nécessairement besoin d'un orbiteur. Et comme ça, oui, pardon, excusez-moi, la question, Patrick Michel, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui de justement de briser le système et de faire sortir, d'arriver à la vitesse de libération et de faire sortir cette petite Lune du système avec son astéroïde? Alors non, ça serait génial, parce que alors là, c'est vraiment pas prévu, et nous, on adore les trucs qui sont pas prévus, mais la probabilité, non. La seule chose qui pourrait se produire, c'est que par rapport à ce qu'on a estimé, l'énergie qu'on apporte suffit à faire de plus gros dégâts, donc par exemple à détruire la Lune. À la casser en morceaux. Et du coup, on fait un anneau autour de l'astéroïde qui serait extraordinaire. Alors là, on va voir Saturne en mini, mais a priori, c'est pas ce qui va se passer. Et même si ça devait se passer, on va dire, la Lune, la masse, même si c'est ce qu'on veut mesurer d'ailleurs avec Hera, en tout cas, on peut l'estimer sommairement, elle est moins de 1% de la masse du système. Oui. Donc, du point de vue de la trajectoire de l'objet, enfin du système, ça va rien faire. En tous les cas, c'est vraiment négligeable. C'est pas ça qui pourrait le changer et de le mettre sur une trajectoire qui va en collision avec la Terre. Si c'est ça la question. Mais l'idée, c'était de pouvoir mesurer la déviation depuis le sol terrestre et donc de choisir un objet. C'est pour ça qu'on a choisi Didymos, qui passe suffisamment près de la Terre à un moment donné pour que si on fait l'impact lorsqu'il passe près de la Terre, on puisse mesurer la différence de trajectoire de la petite lune autour du corps central avec les observatoires terrestres. Comme ça, si l'Europe ne faisait pas sa mission, on pourrait au moins vérifier la partie américaine, c'est-à-dire j'ai réussi à taper sur un objet et je le sais. C'est ça, DART l'impacteur étant la partie américaine et ERA, le deuxième satellite de contrôle, de vérification, l'orbiteur étant la partie européenne. Antonio Barucci. Oui, et donc là on n'est pas arrivé à faire partir les deux missions ensemble. Donc il y a la mission DART de la NASA qui va partir l'année prochaine, 2021, et la mission ERA qui va partir plus tard, en 2024, etc. Mais comme on a dit, il y avait des problèmes et on n'est pas arrivé à mettre d'accord les deux agences au même moment. Mais en réalité, les problèmes de l'impact, on peut l'observer depuis les sols. Il y aura sous la mission DART aussi un petit nanosat avec une caméra pour observer les déviations. Et la mission ERA, dès qu'elle arrive, elle pourrait vérifier toutes les conséquences de cette mission, même si c'est quelques années plus tard. Mais alors, vous me disiez l'un et l'autre tout à l'heure que tout de même, on ne s'attaque pas ou on n'essaie pas de dévier un géocroiseur de la même façon en fonction de sa structure. Or, Didymos, on n'en connaît pas grand-chose tout de même. Donc, finalement. Non, oui, Didymos, on connaît que c'est un objet de type silicaté. Il y a des classifications en fonction de la spectroscopie, de leur composition. Donc cet objet, on sait que c'est des types S, donc comme des chondrites ordinaires. Mais on connaît aussi la densité, parce que tous les objets qui ont des objets binaires, on peut calculer la densité. Donc on a quelques petites informations, et c'est pas mal. Mais bon, bien sûr, on connaît pas sous les petits objets, les satellites, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on pense qu'ils soient la même composition de l'objet primaire. Si je vous dis ça, c'est parce que, par exemple, sur une autre mission vers un astéroïde dont vous pouvez nous dire un mot, Antonella Barucci, la mission Osiris-Rex autour de l'astéroïde Bennu, qui était aussi normalement, comme Apophis, un ennemi qui devait se cracher sur la Terre. Or, a priori, les risques sont quasiment nuls. Néanmoins, je vous dis des bêtises, c'est sur Hayabusa qu'on a eu des surprises. C'est sur Hayabusa qu'on a eu des surprises, parce qu'on pensait que l'impact allait être plus petit de quelques mètres, alors que finalement ça a fait un cratère beaucoup plus gros. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise comme ça avec Didymos ? Voilà, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut passer. Et comme impact, on a eu aussi la mission Deep Impact de la NASA dans les temps passés sur une comète, et donc on avait mal estimé aussi dans ces cas-là l'impact. Parce que même avec toutes les études, même avec toutes les caractérisations, on ne connaît pas avec précision ni la composition, ni la densité, la masse de ces objets. Donc dans les cas de Hayabusa 2, on a eu un petit impact sous la surface, et ça aussi c'était un grand succès parce qu'on a pu voir. Dans ces cas-là, l'objectif c'était vraiment étudier la composition. L'objectif principal de la mission Hayabusa 2 comme celle d'Osiris-Rex sont des objets primitifs, donc beaucoup plus fragiles que l'objet des Didymos de la mission d'Artera, et donc sont beaucoup plus friables. Mais sont aussi les objets pristines, primitifs qui ont formé notre système solaire. Donc là, l'intérêt de ces deux missions, Hayabusa 2 et Osiris-Rex, c'est vraiment comprendre la matière primitive qui a formé notre système solaire. Parce que là, on parle d'impact, on parle de catastrophe, mais il faut aussi se souvenir que ces objets sont les briques qui ont formé les systèmes solaires. Et ces briques se sont formées par accrétion des gaz et des poussières, il y a 4,5 milliards d'années. Mais les planètes Jupiter, qui est poussé et devenu plus grand, Pluton et Mars ont empêché de former une planète là où il y a la ceinture astéroïdale. Et donc, il faut se souvenir que tous ces objets qui sont tout proches de la Terre, ils viennent de la ceinture astéroïdale. Ils sont les planétésimaux qui ne se sont pas accrétés, ils n'ont pas formé une planète. Entre Mars et Jupiter. Oui. Donc, l'intérêt de l'étude de ces objets, et il ne faut pas oublier, même si on pense, tout à l'heure on parlait de la Terre formée d'océan, il ne faut pas oublier que ces objets, ils ont eu beaucoup de collisions avec la Terre. Ils ont porté sans doute l'eau et la matière organique importante pour l'origine de la vie. Donc, l'intérêt scientifique est énorme pour l'origine du système solaire, pour l'origine de la vie sur Terre. Et je vais renvoyer évidemment à nos auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à Osiris Rex, et on en reparlera puisque ce sont des missions que l'on suit avec beaucoup d'attention. Patrick Michel, en quelques mots, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, aujourd'hui, l'impacteur, ERA, toute cette technologie, elle a été choisie de manière sûre en fonction de nos connaissances de Didymos. On a beaucoup d'années de préparation pour y aller. Est-ce que ça veut dire que, en cas de découverte un peu tardive, on peut reproduire ce type de mécanique, ce type d'impacteur pour réagir dans des temps beaucoup plus rapides? Alors oui, c'est-à-dire que ça nous permet d'abord de vérifier si on est mature sur cette technique. Et en plus, alors justement, le fait qu'on sait très peu de choses sur Didymoon, donc la petite lune, c'est très bien parce que pour répondre à votre question, oui, mais en fait, on ne sait pas de quoi il est fait, donc comment on sait quelle énergie il faut donner, etc. Eh bien là, on va faire un test aveugle, un blind test. Donc si par rapport à toutes les prédictions qu'on a faites, on est juste avec un test aveugle, ça voudra dire qu'au final, toutes ces connaissances-là n'ont peut-être pas beaucoup d'importance sur l'effet qu'on veut faire, c'est-à-dire dévier la trajectoire. Donc, c'est pas plus mal d'avoir un test qui est pas trop éduqué. Comme ça, on vérifie déjà si, même en sachant rien, on n'est pas trop faux. Alors, on risque de l'être, effectivement, parce que on l'a vu avec Hayabusa 2, le cratère donc Hayabusa 2 a fait une expérience d'impact avec un projectile de 2 kg lancé à 2 km par seconde sur un astéroïde. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. Ça a vraiment été une mission extraordinaire. On en a déjà parlé. Eh bien, en fait, pourquoi? Parce que simuler numériquement un impact, donc c'est de la fragmentation de roche, c'est quelque chose de très compliqué, surtout quand il y a très peu de gravité. Parce qu'on n'a pas le temps de poursuivre les calculs. Donc, on pense qu'on pourra peut-être avoir de grosses surprises. Et la seule façon de le vérifier, c'est ERA. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on va pouvoir, avec DART, mesurer depuis le sol terrestre une partie de la déviation. Mais pour vraiment valider la technique, il faut pas pouvoir vraiment la quantifier, cette déviation. Seul ERA peut le faire. Et aussi avoir toutes les propriétés du cratère. Parce que ce que l'on veut faire pour l'extrapoler à un autre scénario, et c'était votre question, est-ce qu'on sera prêt plus rapidement? Oui, si on peut déjà mieux prédire à l'avance quel va être l'effet de l'impact. Et pour ça, on a besoin de valider nos modélisations numériques de l'impact. Et DART va nous donner les conditions initiales de l'impact. Précisément, on connaît la masse de DART, on connaît sa vitesse d'impact, on va connaître le point d'impact. Et ERA va nous donner le résultat final en termes de taille, profondeur, morphologie du cratère. Et y compris pour la première fois, on va mesurer la structure interne d'un astéroïde à l'aide d'un radar. Ça n'a jamais été fait. Et il faut rappeler que c'est le plus petit astéroïde qu'on aura jamais visité, 160 mètres de diamètre. Donc il y aura aussi beaucoup de découvertes scientifiques, ce qui est très important, en plus de défendre la planète. Donc c'est gagnant-gagnant. Super, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Antonella Barucci, merci Patrick Michel. Patrick Michel, en un mot, le ERA, donc c'est le lancement en 2024. Hein. Non, 26. 25 plus. On a perdu Patrick Michel. Ah voilà, pardon, allez-y. C'est en lancement 2024 et arrivée début 2027. Et rien n'aura changé entre l'impact de DART et l'arrivée d'ERA, donc on pourra faire les mesures fidèles au moment de l'impact. Eh bien, on suivra évidemment tout ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard, à la réalisation et dis-le à la technique. Demain, nous nous intéresserons à une nouvelle chaire qui vient d'ouvrir à l'École Polytechnique et qui étudie, figurez-vous, les liens entre les sciences et les jeux vidéo, tant sur l'évolution du gameplay, de la technique, que sur l'intégration de contenu scientifique dans les jeux. Ça va gamer sévère demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.